Oh yeah, yeah. Viens te faire prendre par le boudin antillais. Yeah, giant coucou, respect, man. Yeah, boy, aha. Hey, yeah, man. Sexe. Sexe et grosse biroute, ah ouais. Renouveau français abruti, pauvre niais, bloc identitaire, pauvre connard sectaire, Front National, débile mental, raciste connard, tu verras ton trou de balle. J'ai d'abord t'attraper, puis ensuite te baïonner, te baisser ton froc, mais je vais pas t'enculer. En guise de queue, une bonne barre à mine, à la babarre, je défonce ta turbine. Ensuite, je vais humilier à fond ton corps, tu vas comprendre ta douleur, fils de porc. Manger tes victimes sera un plaisir solidaire. Tu vas gueuler quand je te découperai au cutter. Puis je couperai ta tête et chierai dans le cou. Au mieux je t'enterrerai vivant et pisserai dans le trou. T'es un connard, t'es un enculé. Tu mérites même pas d'exister. Alors je te dis, compte sur moi, je vais te buter. À coup de carabine ou à coup de kalachnikov. À coup de bibine ou à coup de karpov. Tu vas trouver la vie très moche, mais bon. Je vais slammer sur ta tombe. Et j'irai poser des bombes. Ouais, je sais, la rime est pourrie, mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux, c'est mon scud. C'est moi le boss. Yeah. Ouais, allez, un petit coup. Renouveau français abruti, pauvre niais. Bloc identitaire, pauvre connard sectaire. Front National, pauvre débile mental. Raciste, handicapé du trou de balle. C'est vraiment des cons ces mecs-là. Ils ont vraiment pas de race. En plus, c'est des gros starlouses. Ah, ils s'attaquent aux femmes à trois. Ah, quand je les croise dans la rue, ils baissent le nez. Ah, les fiottes. Oh là là, je te jure. Je t'enverrai tout ça pour faire la guerre là. Ils vont l'avoir leur race pure, tiens. Les petites merdes. Là, c'est vraiment des petites merdes.